terre, comme la boisson d'un calice étincelant pour mes peines languissantes. Atmosphère, comme la boisson d'un calice étincelant, où mes peines languissantes. C'était dans le brouillard d'une trop longue nuit, je marchais sur les trottoirs tout en réfléchissant. La couche ouatée de la neige me faisait cortège dans le silence.